Donc, la séance est ouverte. Je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Olivier Tarabella, présent. Elham Cheikh a donné pouvoir à Yala Nadino. Édouard De Noël, présent. Émilie Trigo, présent. Vincent Doucissé a donné pouvoir à Mona Bellil. John J. Biro a donné pouvoir à Merlin George. Cédric Pape m'a donné pouvoir. Yasmina Sadoud, Choki Haddad. Edith Félix a donné pouvoir à Jean-Claude Oliva, Merlin Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval arrive, Brigitte de la Perelle a donné pouvoir à Abdelkrim Karmaoui, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bi a donné pouvoir à Mariam Diop, Yala Nadino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin a donné pouvoir à Édouard de Noël, Mariam Diop, Kaline Tribic, Mamadou Sylla. Présent. Manon Chrétien a donné pouvoir à Émile Trigo. Hissène Onissi a donné pouvoir à Olivier Tarabella. Zora Kelly. Mona Bellil. Mohamed Djenan. Sébastien Stalens. Pierre Vionnet a donné pouvoir à M. Djenan. Laurent Jamais. Mme Desbordes Silly. Mme Garrido. Mme Claire Laurence a donné pouvoir à M. Stalens. Et Solène Le Bourris a donné pouvoir à Laurent Jamais. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Abdelkrim Karmaoui. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Donc, cette séance du Conseil municipal est consacrée à l'examen de l'avis de la Chambre régionale des comptes concernant le déséquilibre de ratio prudentiel de notre budget primitif. Donc, il nous appartient de communiquer cet avis de la CRC et d'adopter une décision modificative, en fait, en l'occurrence, la décision modificative que nous avions préparée en vue du Conseil municipal du 24 juin, qui est de ce fait décalé, puisque dans l'attente de l'avis de la CRC, il ne nous était pas possible d'approuver cette décision modificative numéro 1. Voilà. Olivier Tarabella. Je suis allé trop vite. Ah, pardon. Je propose. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte rendu, Monsieur Jamais? Oui, je note que le vote de notre groupe n'a pas été bien pris en compte, puisque appel à candidature, création d'un poste d'un déontologue, il y avait 7 abstentions. L'indemnité des élus, mise à jour du tableau, il y avait 7 abstentions. Création de 3 postes de collaborateurs de cabinet, 7 abstentions, et non 3 comme il est marqué. Réaménagement des règles relatives au temps de travail des agents de la ville et du CCAS de Bagnolet, états généraux pour l'amélioration du service public bagnoletais. Il y avait 7 voix contre, ouais. Et je crois qu'après, ça doit être bon. On prend en compte, Monsieur Métro. Donc je vous propose d'approuver le compte rendu avec l'intégration des votes telles qui viennent d'être précisées par M. Jamais. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Olivier Tarabella, avis de la CRC et décision modificative numéro 1. Monsieur le maire, merci. Bonsoir à tous. Je fais une présentation d'un bloc. Donc nous avons, je le rappelle, voté le budget primitif en avril dernier. Et nous préparions pour la séance du 24 juin dernier une décision modificative qui avait deux objets. La première, c'était d'intégrer un certain nombre de modifications sur les dotations de l'État, d'une part, et sur les différents dispositifs de péréquation, ainsi que, d'autre part, les modifications qui étaient attendues par nous depuis maintenant 2 ans sur les recettes fiscales, suite à un travail que nous avons mené intense avec la direction départementale des finances publiques pour faire en sorte que l'ensemble des projets immobiliers livrés maintenant depuis 2 ou 3 ans soient bien intégrés dans la base fiscale, ce qui nous a permis d'intégrer 586 000 euros de base fiscale supplémentaire sur 2021. Le deuxième objet, c'était de réaliser des mouvements budgétaires qui permettaient, par ces inscriptions, l'intégration de 2 premières opérations de réaménagement d'emprunt auprès de la Caisse d'épargne Île-de-France et de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui nous permettait de dégager sur la durée de ce mandat en moyenne 1,3 million d'euros par an de marge supplémentaire, soit évidemment un effort de près de 10 millions d'euros, très utile pour le financement des programmes d'investissement que nous avons proposés. Concomitamment, nous avons reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis information qu'il avait saisi la Chambre régionale des comptes du non-respect d'un des ratios prudentiels qui s'imposent aux collectivités territoriales, qui s'appelle l'équilibre réel, c'est-à-dire la couverture du remboursement du capital de la dette par des ressources propres, puisque nous avions inscrit 7,5 millions d'euros de remboursement d'annuités de la dette et nous n'avions, après reprise des résultats d'exercice précédent, que 7 362 073 euros et 63 centimes, soit un décalage de 137 000, sans quasiment 138 000 euros entre, évidemment, ces deux éléments du ratio. Bien sûr, cela n'est pas un déséquilibre budgétaire. Le budget est bien équilibré en recettes et en dépenses. Il s'agit d'un des ratios prudentiels à respecter, mais qui ne représente que 0,1% du budget. On est donc, par rapport à ce qu'est le budget de la ville de Bagnolet, sur un déséquilibre extrêmement léger. Déséquilibre qui, par ailleurs, était réglé par la décision modificative, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler dès le début du mois de juin, puisqu'il suffisait que nous adoptions cette décision modificative le 24 juin dernier pour que ce problème disparaissent. Les services de l'État avaient le choix de nous laisser procéder ainsi ou de procéder comme ils ont fait, c'est-à-dire de saisir la Chambre régionale des comptes, ce qu'ils ont préféré faire, ça leur appartient. Et nous avons donc dû attendre que la Chambre régionale des comptes se prononce sur cette situation avant de pouvoir délibérer sur la décision modificative. La Chambre régionale des comptes a fait trois constats. Le premier, c'est qu'effectivement, il y avait lieu de la saisir, même si elle était un peu étonnée par le montant qui a justifié la saisine, étant donné le budget de la ville de Bagnolet. Elle s'est ensuite prononcée sur la régularité du budget primitif que nous avons voté en avril, et vous noterez dans l'avis de la Chambre régionale des comptes qu'elle constate qu'il n'y a aucune irrégularité dans le budget de la ville de Bagnolet. Je pense que par rapport à des débats qu'on a pu avoir cette année, c'est important de dire que la Chambre régionale des comptes, dans son avis, un avis récent, signale qu'il n'y a aucune irrégularité dans le budget de la ville de Bagnolet. Et troisième élément, la Chambre régionale des comptes invite la ville de Bagnolet à adopter le projet de décision modificative que nous avions déjà proposé le mois précédent, donc début juin. Donc, in fine, la décision modificative qui vous est présentée ce soir et qui est demandée par la Chambre régionale des comptes est exactement la même au centime près que celle que nous avions prévu de voter le 24 juin et que nous vous avions transmise dès le 8 juin dernier. Donc, dans cette affaire, évidemment, si on regrette que des erreurs dans la finalisation de la maquette budgétaire nous aient amené à devoir attendre cette procédure et à siéger un 12 juillet sur cette question. In fine, il n'y a pas de préjudice pour la ville, puisque les engagements qui avaient été pris vis-à-vis des banques sur les renégociations de prêts ont été maintenus aux mêmes conditions financières et ont pu être réalisés dans les délais. Et évidemment, cette décision modificative solde définitivement cette question du ratio d'équilibre réel pour l'exercice 2020, ce qui satisfait donc aux attendus de la Chambre régionale des comptes. Merci. Vous avez la parole. Monsieur Stalens. Je vous remercie, monsieur le maire. Après cet exposé relativement technique, et je vous en remercie, permettez-moi de revenir, excusez-moi, sur les raisons plutôt inquiétantes de notre présence aujourd'hui. Tout d'abord, le contexte. C'est une faillite morale et financière. Nous le savons, Bagnolet connaît une situation financière très difficile depuis plusieurs années. L'importance des prêts mobilisés pendant la mandature 2008-2014 pour le financement et la construction du groupe scolaire Jules Curie et de l'hôtel de ville ont produit un endettement élevé, qui a d'ailleurs provoqué l'éclatement de la majorité municipale de l'époque. Mais c'est sous votre mandature, monsieur le maire et monsieur Tavaravella, que Bagnolet a accédé au triste statut de la ville la plus endettée de France. À cette faillite financière croissante s'est ajoutée une faillite morale, marquée malheureusement par bon nombre d'affaires, emplois fictifs, détournement de chèques, location d'un gymnase en plein confinement, subventions opaques pour certaines associations et pour finir, attribution tarifée de logements pour lesquels un élu vient d'être condamné à une peine de prison ferme pour corruption. Rappelons que plusieurs de ces affaires sont actuellement en cours d'instruction, donc bien entendu à suivre. Maintenant les faits. Un budget rejeté par le préfet. En effet, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de valider le budget proposé par la ville de Bagnolet, ce qui est un fait rare en général et en tout cas sans précédent pour ce qui nous concerne. Rappelons qu'une centaine de communes sur 35 000 simplement ont été concernées cette année par ce type de sanctions. Le 26 mai dernier, le préfet a décidé de saisir la Chambre régionale des comptes. Celle-ci a déclaré recevable la saisine du préfet de Seine-Saint-Denis et constaté, je cite, que le budget primitif de 2021 de la commune de Bagnonnet n'a pas été voté en équilibre réel. Rappelons simplement les deux raisons pour lesquelles la Chambre régionale des comptes peut être saisie. C'est un budget insincère ou un budget sans équilibre réel, raison qui nous concerne aujourd'hui. Passons maintenant à la gestion municipale de cette affaire. Deux mots la caractérisent. Insincérité, par évidence, amateurisme, on va le déterminer ensuite. Face à ce rappel, à l'ordre du préfet, la municipalité a tenté, en urgence, et passez-moi l'expression, un bricolage, a posteriori d'un budget, mais le préfet a refusé, le 15 juin dernier, de retirer sa saisine de la Chambre régionale des comptes. Donc il a confirmé sa décision. Après avoir retiré précipitamment la délibération relative à la décision modificative prévue au conseil municipal du 15 juin, sans avoir pour autant délivré les explications réelles, messieurs Di Martino et Taravella ont finalement convoqué en urgence un conseil municipal à la veille du 14 juillet et sur demande pour rectifier enfin le budget insincère. Ce n'est malheureusement pas la première fois que la majorité fait preuve d'amateurisme en matière de gestion de la ville. Il suffit de rappeler, pour exemple, l'oubli du paiement de la TVA relative à la vente du foncier Gambetta à Bouygues, qui coûte très cher aujourd'hui aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais, en pénalité exigée par l'administration fiscale. Et maintenant, plus récemment, la délibération présentée au conseil municipal relative à la cession du foncier dit du marché à la ferraille à la société Vinci, où la ville a découvert tardivement qu'une partie du terrain ne lui appartenait pas et qu'il était pollué. Ce qui a amené une négociation plutôt favorable aux promoteurs, puisque nous sommes censés aujourd'hui assumer les coûts de dépollution du site à sa place, s'élevant à plus de 300 000 euros, je le rappelle. Face à l'opposition, le mensonge. Les faits sont d'une gravité sans précédent à Bagnolet. Pourtant, monsieur le maire, vous n'avez pas jugé utile d'informer le conseil municipal alors que la réaction du préfet date du mois d'avril. De même, votre adjoint en finances, M. Taravella, n'a pas tenu à informer la commission finances. Plus grave encore, c'est le mensonge qui a été utilisé face aux questions de l'opposition. Effectivement, dans le cadre de la préparation du conseil municipal du 24 juin dernier, alors que la commission finances du 14 juin portait une délibération relative à une décision modificative du budget de renégociation d'emprunt, celle-ci était retirée en conférence des présidents le lendemain, le 15 juin. Pierre Venet, notre collègue, qui a participé aux deux réunions, s'est étonné de ce retrait, susceptible de remettre en cause les taux renégociés par les banques. Monsieur Taravella lui avait alors répondu que ce retrait était demandé par le préfet. Très surpris d'une telle situation, effectivement, un préfet demandant le retrait d'une délibération non encore votée. Fort de son expérience, Pierre Vionnet a alors interrogé Olivier Taravella, souvenez-vous, lors du conseil municipal du 24 juin, pour savoir si le budget avait bien, je cite, « franchi les étapes du contrôle préfectoral de manière positive ». Question à laquelle M. Taravella avait répondu, l'enregistrement vidéo du dernier conseil municipal peut le prouver bien évidemment, que le budget était valide. Il était tellement que la Chambre régionale des comptes a été saisie et que le conseil municipal doit délibérer en modification. Était-ce un mensonge, M. Taravella ? La décision relative aux renégociations d'emprunt a dû être retirée car elle modifiait un budget lui-même déjà retoqué. Pour finir, lors du conseil municipal consacré à l'examen du document d'orientation budgétaire 2021, nous avions souligné que la seule nouvelle résidait dans la reprise de l'endettement. Choix irresponsable pour la ville la plus endettée de France, mais rendu inéluctable par l'absence de redressement financier depuis 7 ans. Le préfet doit manifestement partager une analyse de l'opposition municipale. Le mépris de la démocratie et de la vérité constitue décidément la marque de fabrique de la majorité à Bagnolet. Je vous remercie. Je ne sais pas ce qui constitue votre marque de fabrique, M. Stalens, mais juste pour vous préciser, vous avez évoqué deux opérations qui grèvent l'endettement de la ville. Vous avez parlé de Joliot-Curie et l'hôtel de ville. Juste pour 2014. Joliot-Curie, ça a été voté en 2008. 2008, non, 2004, non, juste, oui. Juste si vous permettez, je ne vous ai pas interrompu. Joliot-Curie, ça a été voté en 2008, et si ma mémoire est bonne, avec un certain nombre d'élus à l'époque, dont Marie-Christine Lacazette, nous avons fait adopter un vœu en conseil municipal qui proposait un autre projet d'école et avec notamment une école élémentaire en centre-ville. Mais là, on était en 2008 et la majorité avait souhaité construire Joliot-Curie. Et ensuite, l'hôtel de ville, c'est 2011, ce n'est pas 2014. Voilà, ça, c'est pour avant. Ensuite, après, effectivement, la ville a continué de s'endetter pour réaliser un programme de renouvellement urbain ambitieux. Et si vous voulez, je n'ai jamais entendu quelqu'un dans cette ville dire « il faut renoncer au PRU ». J'ai entendu l'inverse, en l'occurrence, compris de la part de vos collègues. Donc, effectivement, la dette a continué d'augmenter au cours du précédent mandat, mais pour réaliser un programme de renouvellement urbain ambitieux sur le quartier de Lannou et des Malassis. Et on a eu l'occasion de venir défendre le NPNRU la semaine dernière à l'ANRU avec le président d'Est Ensemble. Ensuite, bon, après, on ne va pas revenir sur tout ce que vous dites. Vous dites qu'on a été informé en avril du problème d'équilibre budgétaire par le préfet. On a été informé le 26 mai. Enfin, le préfet a saisi la CRC le 26 mai. Ça a été enregistré au greffe le 27. Voilà. Bon. Donc, effectivement, il y a eu un déséquilibre sur un ratio prudentiel. C'est incontestable. Et vous avez vu vous-même les commentaires de la Chambre régionale des comptes sur le budget de la ville qui dit qu'il n'y a pas d'irrégularité dans le budget de la ville. Effectivement, il y a eu un dysfonctionnement sérieux sur la prise en compte de ce déséquilibre de 137 000 euros, mais la décision modificative que nous prenons aujourd'hui est strictement la même que celle que nous aurions pris il y a trois semaines. Nous avons réussi à renégocier des emprunts qui vont nous amener à avoir des marges de manœuvre supplémentaires de l'ordre de... Pardon, j'enlève ça parce que j'arrive pas à parler. De l'ordre de 1,3 million d'euros par an, et nous continuons des discussions avec la SFIL et d'autres organismes pour renégocier les emprunts. Donc, si vous voulez, la question des emprunts fait partie des sujets qui nous paraissent importants à prendre en compte. Voilà. Des emprunts pour payer des emprunts, c'est un peu le souci aujourd'hui. C'est qu'on emprunte. Des emprunts pour financer des investissements, pour financer Pêche d'Or, pour financer le NPNRU, pour financer Langevin, pour financer des projets importants pour la ville. Pêche d'Or. Ouais. Olivier. Vous êtes intervenu, monsieur, pour dire que mon intervention avait été particulièrement technique, mais c'est ce qui manquait à la vôtre. Vous dites que le budget a été rejeté par le préfet. Ce n'est pas le cas. Le préfet n'a pas déféré le budget de la ville de Bagnoles. Sinon, nous aurions été amenés à délibérer sur un nouveau budget primitif, ce qui n'est pas le cas ce soir, puisque ce que nous vous proposons, c'est une décision modificative. Et ce n'est pas qu'une différence sémantique, si vous voulez. C'est la traduction très claire du fait que le budget primitif était régulier. La Chambre des comptes ne dit pas autre chose, d'ailleurs. Lorsqu'elle dit, dans un de ses considérants, à l'issue du contrôle des pièces justificatives, et notamment celles relatives aux restes réalisées en dépenses et en recettes d'investissement, aucune anomalie contribuant à fausser le montant des résultats ne doit être relevée. Très clairement, ils considèrent que ce que vous avez dit ce soir n'est pas vrai. Et ce n'est pas nous qui le disons. Parce qu'on pourrait, à la limite, être dans un désaccord politique, vous pensez que non, ou parce que oui, ou inversement. Là, c'est une autorité indépendante, proto-judiciaire, la Chambre régionale des comptes, qui dit qu'il n'y a pas d'irrégularité dans le budget de la ville de Bagnolet. En revanche, il y a effectivement un ratio prudentiel qui n'est pas respecté. Nous l'avons dit, nous ne l'avons pas contesté. Nous n'avons pas contesté la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la Chambre des comptes. On regrette qu'il l'ait fait dans la temporalité qui a été la sienne, alors même qu'il avait connaissance à ce moment-là de la décision modificative et que cette décision modificative réglait ce problème. On peut s'étonner un peu de ce choix d'opportunité de la part du préfet, mais il est dans son plein droit. Et encore une fois, nous avons, par cette décision modificative, engagé autre chose que simplement cette régularisation. Vous parliez de gestion de la dette. Effectivement, dégager des marges de manœuvre en profitant de marchés financiers favorables aux renégociations. Je rappelle qu'aujourd'hui, certes, la dette de Bagnolet s'est accrue, mais il y a des explications que nous avons rappelées tant et si bien qu'à la fin, l'opposition nous demandait d'arrêter de le rappeler régulièrement, puisqu'à un moment donné, tout le monde en avait marre. Mais quand, en 2014, il y avait 12 millions d'euros de recettes insincères, 17 millions d'euros de factures impayées, relevant de la section d'investissement, évidemment, la ville devait faire face à ces demandes et le faire face dans un délai qui est extrêmement court. Et l'emprunt était la seule solution qui permettait à la ville, puisqu'on n'avait pas 29 millions d'euros comme ça sous la main, et 22 millions d'euros d'emprunt toxique, on n'avait pas 29 millions d'euros sous la main comme ça, ou 29 millions d'euros de valeur de terrain à céder pour trouver cet argent, donc l'emprunt était la solution. Mais cette dette, ces 29 millions d'euros-là, ils ne sont pas liés à l'activité du mandat 2014-2020, ils sont liés à des choix politiques qui ont été faits sur la mandature précédente, dont nous avons hérité, dont nous avons assuré la gestion parce que c'était notre responsabilité en tant qu'élus, mais qui ne nous sont pas imputables, même si on assume les choix. J'ai commencé mon intervention par là, justement, pour remettre le contexte en place. Oui, mais si vous voulez, vous l'avez dit, puis après, vous avez dit qu'on avait fortement accru la dette, sans oublier quand même que sur la... De toute façon, c'est très simple. Il y a deux opérations, il y a deux choses. Il y a 29 millions d'euros d'un côté, 26 millions d'euros de l'autre. 26 millions d'euros, c'est la dette qui est liée à la rénovation urbaine sur le mandat écoulé. Et je pense qu'ici, personne ne considère, même s'il peut y avoir des débats sur la qualité de la rénovation urbaine, mais sur le principe, personne ne conteste le fait qu'il fallait faire cette rénovation urbaine à la Noue et au Malassi. Il y a 26 millions d'euros d'emprunts qui sont liés à ça, 26 millions d'euros de dettes qui sont liés à ça. Et de l'autre côté, il y a 29 millions d'euros qui sont liés à ce qu'on s'est dit là sur le mandat précédent. Et si vous faites le total des deux, et que vous additionnez, et que vous faites la différence entre l'état de la dette aujourd'hui et l'état de la dette en 2014, vous retrouvez le différentiel. Donc il n'y a pas de choix de mauvaise gestion qui ont expliqué que la ville se soit endettée. La moitié, en gros, c'est le mandat d'avant, on ne peut pas difficilement nous être imputé, et l'autre moitié, c'est l'ANRU. Et l'ANRU, toutes les villes sans exception qui ont porté des programmes de rénovation urbaine, parce que ce sont des villes de la politique de la ville et parce que c'est même financièrement construit comme ça, se sont endettés pour les financer. Et c'est normal, tout le monde le fait. Si vous retirez ces situations-là, le problème, il est où ? Le problème, c'est que quand nous avons pris nos fonctions en 2014, on était déjà à plus de 110 millions d'euros de dette. Le problème, c'est pas ce que nous, on a fait après. On peut débattre des choix politiques, des choix d'investissement, et c'est parfaitement légitime. Mais sur la dette, et je le dis avec force, à un moment donné, les choix qu'on a faits, ce sont des choix qui étaient des choix rationnels, qui étaient des choix inscrits dans les périodes, dans les programmes. Et tout ce qu'on a fait par ailleurs, c'est-à-dire la renégociation des emprunts toxiques, 21 millions d'euros en 2015, le fait de renégocier encore cette année, là, pour 1,3 million d'euros de marge de manœuvre par an, mais peut-être 2 millions d'ici la fin de l'année, si on arrive à aboutir avec la SFIL. Et j'espère, dans les prochains mois, dans des échanges plus complexes que l'on a avec la Deutsche Bank, sur une sécurisation du mur de dette qui se profile à l'horizon 2030 à 2035, on aura une dette qui soit tout à fait adaptée, qui soit la conséquence de choix politiques cohérents, qui soit justifiée par des investissements importants, et qui soit saine au sens où elle n'est pas assise sur des taux exotiques ou sur des modalités de remboursement qui soient complexes et qui renvoient à nos successeurs, quels qu'ils soient, la gestion d'un problème que nous aurions posé nous-mêmes. Voilà. Donc ça, je veux le rappeler. Vous pouvez, et c'est légitime, signaler qu'il y a eu une erreur de commise dans la maquette budgétaire, et c'est ce qui nous réunit ce soir, et c'est encore une fois, nous ne le contestons pas. Mais sur le reste, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et la Chambre des comptes elle-même en fait le constat. Monsieur Jamais. Oui, merci à vous. La première chose, c'est que je voulais dire qu'un certain nombre de nos collègues dans cette Assemblée nous ont reproché de ne pas présider la Commission des finances. De la même façon, la semaine dernière, au conseil municipal précédent, nous avions voté une charte déontologie, la nomination d'un déontologue. Je dis, la question que pose M. Stalins, elle est importante. Comment se fait-il que, à la faveur de ce mois de juillet, nous nous retrouvons et nous découvrons la raison pour laquelle nous sommes là ce soir? Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a une erreur dans ce qu'a dit M. Stalins. Ce n'est pas au mois d'avril, mais à partir du 26 mai, vous étiez au courant des raisons de notre présence ce soir. Donc ça aurait pu faire l'objet déjà d'un débat, d'une discussion entre nous, voire d'une présentation à la Commission des finances ou dans d'autres commissions. Donc, entre les lignes, il y a un problème aussi dans la présentation que vous faites, et Sébastien l'a dit. Je crois que nous n'avons pas affaire qu'à un État qui serait tatillon. Voilà, c'est un peu entre les lignes ce que dit M. Tarabella. C'est quand même assez inédit, pour moi, dans cette ville, rarissime dans le pays, que le préfet saisisse la Chambre régionale des comptes concernant le vote du budget communal, qui est quand même l'acte majeur d'une collectivité. Donc on rappelle, le budget 2021 a été voté en notre absence, puisque nous avions décidé de protester suite à ce que la presse avait révélé concernant M. Karamoko Sissoko, et puis pour interpeller quand même les élus de la majorité. Donc le budget a été adopté sans respecter le principe du remboursement de l'annuité de l'emprunt par des ressources propres. Dit autrement, en fait, la ville rembourse son emprunt avec de l'emprunt nouveau. Sur 2021, la ville prévoit de rembourser 7,5 millions. Les ressources propres prévues étaient d'à peu près d'un peu moins de 7,4 millions. Il manquait donc à peine 140 000 euros. Je dis à peine, mais sur un budget communal de 100 millions d'euros, fonctionnement et investissement cumulés. Donc le préfet a saisi, pour cette raison, la Chambre régionale des comptes. De plus, Sébastien Stalins l'a dit, les services municipaux ont fait une proposition d'ajustement et le préfet a refusé de nouveau de se désister de sa saisine. Et donc, vraiment, pour nous, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant dans tout cela. Nous prenons acte des corrections apportées dans l'ADM. Le déséquilibre de quelques milliers d'euros sur le remboursement de l'emprunt aurait donc pu être évité. Néanmoins, les questions que nous posons depuis plusieurs années sur la soutenabilité du budget demeurent. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça, pour pointer ce même problème, que le préfet a utilisé le prétexte de l'emprunt pour saisir la CRC. Ainsi, ça a été dit, Bagnolet sur le podium des villes les plus endettées de France, l'encours restant à rembourser à aujourd'hui est de plus de 140 millions d'euros. C'est bien plus que la totalité de notre budget sur un an. Le budget 2021 prévoit d'augmenter encore ce niveau d'endettement. Ce point n'est pas remis en cause par la décision modificative votée aujourd'hui. Vous l'avez dit, la dette en soi n'est pas un problème quand elle permet des investissements judicieux pour l'avenir. Mais je constate aussi que votre équipe continue l'endettement sans réfléchir à son remboursement. Je ne vois pas de quelles propositions pluriannuelles sur la maîtrise de l'endettement nous sont proposées. Que va être la situation de Bagnolet dans 5 ou 10 ans, lorsque les échéances cumulées de remboursement ne pourront plus être couvertes par des ressources propres? Et je ne parle pas de quelques centaines de milliers d'euros, mais bien plus, qui feront perdre à notre ville tout pouvoir budgétaire. C'est certainement ce problème qu'a voulu souligner, là aussi, le préfet par sa saisine. Je pense que le préfet et la CRC ont en tête l'échéance des emprunts in fine de la Deutsche Bank, vous venez de l'évoquer, les fameux emprunts Schuldschein. J'arriverai jamais à le dire. La ville va au-delà de graves problèmes financiers. Vous venez de dire d'ailleurs que c'est périlleux à trouver des solutions. Je l'ai entendu. Enfin, c'est pas tout à fait le terme que vous avez employé, mais enfin, vous avez dit que c'est difficile. J'en suis évidemment convaincu. Dans le budget 2021, vous dégradez fortement le fonds de roulement. Cela représente les marges de manœuvre que la ville s'est constituée au fil des ans. En puisant dedans, vous vous rapprochez dangereusement d'une situation qui était celle de 2017, où le fonds de roulement avait été totalement asséché. À l'époque, il avait été reconstitué par de la vente de patrimoine, plus de 10 millions d'euros entre 2017 et 2019, et puis par un certain nombre d'agents qui étaient passés du budget communal vers le CCAS. Aujourd'hui, vous n'avez plus ces marges de manœuvre, vous n'avez pas ces alternatives. Quelle solution pour reconstituer le fonds de roulement et permettre les investissements affichés dans le programme municipal? Vous avez, de ce point de vue, quasiment tout vendu. Il ne reste rien aujourd'hui à vendre. Nous prenons acte, évidemment, de l'avis de la CRC. Nous ne serons pas amenés à voter, puisque nous sommes amenés à prendre acte. Et nous voterons sans surprise contre la décision modificative. De la même façon, nous allons écrire au préfet, demander un rendez-vous au préfet avec ses services pour nous entretenir avec lui sur, et en tout cas avec ses services, sur la situation de notre ville qui nous inquiète. Olivier. Alors, je crains que ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, alors l'actuel préfet nous quitte puisqu'il part pour la région Hauts-de-France et le suivant, nous n'avons pas encore eu l'occasion de rencontrer le suivant pour des raisons évidentes. Je ne crois pas que ce qu'il pourra vous dire vous satisfera puisqu'il vous évoquera la question des 1607 heures souvent, du fait que peut-être il y a des services publics qui ne sont pas des services publics qui relèvent de ce que doit être un service public communal et qu'on va reposer la question de est-ce qu'il faut un centre municipal de santé, est-ce qu'il faut des choses comme ça. Parce que, si vous voulez, Ils ont plein d'idées. Et on les connaît. Mais si vous voulez, la casse du service public, dans une ville comme la nôtre, à une époque où la crise sanitaire va fabriquer du pauvre, et c'est pas, je pense que là-dessus, on partage le constat, les solutions qu'on nous propose ne sont pas des solutions qui nous semblent des solutions acceptables, en tout cas pour des élus de gauche. Après, c'est comment est-ce qu'on suit la ligne de crête pour rester sur quelque chose qui est soutenable pour la collectivité. Et là-dessus, on aura, à l'occasion du prochain budget, des propositions, puisque la crise sanitaire et l'arrivée tardive des élections en 2021 n'ont pas permis de finaliser ce travail, mais nous avons un plan pluriannuel d'investissement qui est en cours, qui fera l'objet d'arbitrage interne dans un premier temps, bien sûr, puis qui sera présenté à tous, au conseil municipal, à l'occasion des débats budgétaires. Et ce plan pluriannuel d'investissement, il amènera la ville à avoir une projection, une stratégie financière sur la durée du mandat, et donc à formuler un certain nombre de propositions qui iront dans le sens de ce que vous soulevez ce soir. Maintenant, très clairement, la situation de la ville de Bagnolet restera durablement affectée parce que le niveau d'investissement qu'on doit soutenir est très fort. On a des désaccords sur ce que l'on doit faire comme école Pêche d'Or, mais je ne pense pas qu'on ait de désaccord sur le fait qu'il faut refaire une école Pêche d'Or. De la même manière, je pense que personne ici ne doute de la nécessité de reconstruire l'école Langevin, ni du fait que d'autres écoles dans le futur, en particulier l'école Jules Ferry, nécessitent des interventions lourdes, du fait qu'on a encore des manques de places en crèche, du fait qu'un certain nombre de gymnases sont dans un état assez déplorable. Ces investissements sont très lourds. Nous tâchons de trouver des cofinancements importants. C'est le cas notamment pour Pêche d'Or au sein du programme de rénovation urbaine que nous avons défendu avec le maire la semaine dernière devant l'ANRU. Mais forcément, si vous voulez faire un concours de la ville la mieux gérée de France, on ne va pas gagner. Et on ne va pas gagner parce que des perspectives de désendettement très fortes et des perspectives de retour à des ratios prudentiels extrêmement favorables et à des durées de désendettement entre 8 et 12 ans, ce n'est pas pour les 20 ans à venir à Bagnolet. Ou alors, ce sera des municipalités suivantes qui décideront de dire on veut d'abord être une ville bien gérée et puis les investissements dans les écoles, dans les crèches, dans les équipements publics divers, sur la voirie, c'est secondaire. Mais ce n'est pas le choix politique qui est le nôtre. En tout cas, ce n'est pas le programme sur lequel on a été élu. Donc on va continuer de marcher sur cette ligne de crête. Vous continuerez de nous dire que la situation financière de la ville de Bagnolet est très compliquée. Je continuerai d'être d'accord avec vous et de vous expliquer comment on va essayer de ne pas tomber de la crête. Mais voilà, c'est le contexte dans lequel on est et qui va durablement être celui de notre ville. Et ça, c'est une réalité, j'espère que tout le monde a en tête, parce que, indépendamment des majorités municipales, c'est un héritage que l'on a, c'est un contexte que l'on a et qui sera durable sur notre ville. Madame Desmortes. Oui, j'aimerais dire, enfin essayer de dire un mot, sans tousser. Je ne veux pas paraphraser ce qu'ont dit Laurent Jamais et Sébastien Stalins, mais j'aimerais revenir quand même pas tant sur la question financière, évidemment, bien sûr, rappeler la gravité de la situation financière, mais sur la question de l'éthique et de la gouvernance éthique, puisque le dernier conseil municipal, on avait adopté la fameuse charte de déontologie des élus. Alors, la question financière stricto sensu, moi j'aimerais quand même rappeler la gravité, l'extrême gravité de la situation financière. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, vous ne nous avez pas expliqué ce qui s'était passé. Les raisons pour lesquelles, à peut-être que ça a été dit en commission des finances, à laquelle je ne siège pas, ou en conférence des présidents à laquelle je siège, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous ne nous expliquez pas à aucun moment ce qui s'est passé. En tout cas, la situation était telle que vous avez choisi de présenter, c'est notre interprétation, peut-être que vous allez infirmer, vous avez choisi de présenter et d'adopter, en notre absence, un budget en déséquilibre, simplement parce que les ressources nécessaires à couvrir les dépenses engendrées par le remboursement de la nuitée de la dette, bah vous allez nous expliquer ce qui s'est passé, étaient insuffisantes. Ça, c'est le premier point. J'aimerais quand même rappeler, pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que tout ça est extrêmement technique, que la situation, Dieu merci, est extrêmement rare. Tous les budgets primitifs, Dieu merci, ne font pas l'objet d'une saisine des chambres régionales des comptes. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais disons qu'à peu près en Ile-de-France, peut-être une vingtaine, une trentaine, c'est très peu. Bon, voilà, on figure au palmarès une fois de plus. Et que souvent, ces saisines, elles interviennent soit quand les exécutifs où les conseils municipaux se déchirent parce que les budgets primitifs ne sont pas votés, ou quand ils sont adoptés dans des hors délais réglementaires, ou alors, et j'insiste là-dessus parce qu'on ne l'a pas dit et que vous nous taxez souvent de faire de l'obstruction, quand il y a une interpellation des conseillers d'opposition pour des irrégularités supposées. Voilà. Vous vous êtes fait, excusez-moi l'expression, choper sans notre soutien. Alors, bien entendu, j'ai un peu l'impression de revivre ce qu'on a vécu le 14 avril. Vous minimisez. Ce n'est pas grave, bien sûr, vous faites le job. Vous n'allez pas nous dire, qu'il s'agit d'une situation gravissime. Je ne dirais pas qu'elle l'est, mais en tout cas, elle est extrêmement préoccupante. Et surtout, moi, j'aimerais mettre ça en relation avec la fameuse charte de déontologie, parce que, pour deux raisons. D'abord, comme l'a dit Sébastien, à aucun moment, vous n'avez considéré qu'il était important, eu égard à la transparence que vous prenez, d'informer l'ensemble du conseil municipal de cette saisine. Et non seulement vous ne nous avez pas informé, mais vous avez pris un certain nombre de dispositifs extrêmement subtils pour dissimuler à aucun moment. Alors évidemment, ce n'est pas de chance parce que Pierre Vionnet n'est pas le perdreau de l'année, donc il a compris ce qui se passait en réalité, puisque l'ADM a été retirée après avoir été présentée en commission. Elle a été retirée précipitamment le lendemain, puisque vous aviez compris que le préfet ne retirerait pas la saisine et vous aviez une réponse négative. Bon. Lors du dernier conseil municipal, Pierre Venet est revenu sur cette question-là, et vous, Olivier Taravella, lui avez dit, je regardais la séance vidéo récemment, alors que vous saviez pertinemment que le budget avait été indiqué comme non équilibré, pas d'équilibre réel, vous lui avez dit non, mais il est équilibré, il est équilibré, alors que vous saviez pertinemment qu'il ne l'était pas. Alors, je terminerai là-dessus pour dire que vous allez nous expliquer pour quelle raison on est arrivé là et pour quel ce fameux ratio prudentiel n'a pas été respecté. Est-ce que c'est une erreur de vos services? Est-ce que c'est intentionnel ou non intentionnel? On est surpris que ce soit une erreur des services. Mais simplement, là, vous avez été pris, nous semble-t-il, et c'est en termes de gouvernance éthique et de confiance. Vous nous demandez de cesser de faire de l'obstruction, vous nous demandez de travailler, de collaborer. Mais comment peut-on avoir confiance alors que vous dissimulez une chose pareille? Vous avez été pris en flagrant délit de dissimulation et d'opacité, et après l'adoption de la charte de déontologie, on trouve que c'est extrêmement grave et préoccupant. Vas-y, Olivier. Bon. Je rappelle quand même qu'il y a une réunion de commission municipale le 14 juin, où j'ai présenté un certain nombre de choses, et ensuite on a reçu un courrier du préfet le 15 juin. Et donc, dès le soir même, soir de la conférence des présidents le 15 juin, j'ai fait un point sur la situation à Pierre Vionnet en lui précisant bien tout ce qu'on s'est dit ce soir. Donc je suis désolé, mais ce que vous dites et soit mal informé, soit volontairement faux. Pierre Vionnet, dès le 15 juin, j'ai expliqué qu'on avait un courrier du préfet, ouais, qu'il y avait un problème de déséquilibre réel, et lui, il sait ce que ça veut dire, déséquilibre réel, par rapport à déséquilibre budgétaire. Et je lui ai expliqué que nous avions souhaité mettre l'ADM dans le tuyau parce que l'ADM réglait le problème, et qu'elle était déjà prévue. Et entre-temps, le préfet nous avait écrit en disant « J'ai saisi, je ne me retire pas. Comme je ne me retire pas, on est dans la phase d'attente de l'avis de la Chambre générale des comptes, donc vous ne pouvez pas délibérer. » Donc, la traduction, c'est « Vous devez retirer la délibération en attendant que la CRC vous écrive ce que nous avons fait. » Mais l'information, elle a bien été donnée à Pierre Vionnet dès le 15 juin, en ces termes. Alors peut-être qu'il n'a pas circulé dans cette foultitude de détails à ce moment-là qu'il s'est contenté de dire, il la retire, bon, très bien. Mais je vous redis, peut-être qu'il faudrait aussi filmer du coup les conférences des présidents, comme ça on pourrait comparer les vidéos. C'est bien ce qui a été fait. Maintenant, pourquoi cette situation est arrivée? D'abord, je veux dire une chose. L'équilibre réel, c'est un ratio prudentiel qui est un ratio, pas dire bidon, mais si vous voulez, c'est tellement facile de contourner le problème qu'il faut vraiment être très con pour se faire plaisir, pour se faire avoir volontairement. Je le dis en ces termes. Il suffit, sur des montants comme cela, 0,1% du budget de la ville, Il suffit que je rajoute 20 000 euros de recettes par-ci sur des recettes fiscales à 30 millions et que je retire 50 000 euros de masse salariale par-là sur une masse salariale à 44 millions et demi pour que ça passe. Et personne, personne est en capacité de vérifier que... Mais non, mais je le dis, je le dis. Non, mais je vous explique les choses de manière extrêmement franche. Je vous explique les choses de manière extrêmement franche et très claire. C'est tellement facile sur des ratios prudentiels de contourner le problème qu'on ne peut pas volontairement créer ce problème. Parce que c'est impossible, en fait, si vous voulez vous éviter d'être dans cette situation-là, c'est tellement simple d'éviter d'être dans cette situation-là que vraiment, pour se retrouver dans cette situation-là, c'est qu'on ne l'a pas fait exprès. Alors après, on assume la responsabilité de l'erreur, puisque quand bien même elle soit réalisée par l'administration, on a une responsabilité en tant qu'élu, et donc on prend nos responsabilités, on l'assume. Il y avait un contexte aussi, que je rappelle, hein, le maire, comme moi, étions à moitié alités avec 42 fièvres avec le Covid à ce moment-là, et donc forcément, les derniers arbitrages budgétaires dans les 3-4 derniers jours ne se sont pas faits exactement dans des très bonnes conditions, et ça a pu expliquer à un moment donné que dans les différents allers-retours, les choses se soient mal faites au niveau de l'administration, qu'il y ait eu des erreurs de commises, et qui explique qu'in fine, ce ratio prudentiel-là est passé à la trappe, et on assume cette responsabilité-là, encore une fois. Mais de dire que volontairement, on a cherché à... Mais en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, il y a une erreur qui a été commise. C'est une erreur involontaire. On assume la responsabilité de cette erreur. On a pris les mesures pour les régler. À la fois, il y a eu un échange que vous imaginez vis-à-vis de l'administration. Et ensuite, il y a l'addition médicale effective ce soir. Mais si vous voulez, il ne faut pas nous... Enfin, à un moment donné, par respect pour les uns et pour les autres... Il faut éviter de prêter un certain nombre d'intentions qui n'existent pas, d'une part, mais qui, en plus, sachant ça, n'ont aucune matérialité possible. C'est-à-dire, personne ne se fera jamais avoir dans un budget volontairement à faire un truc comme ça. Ça ne peut pas faire, ça, parce que c'est trop facile à contourner. Alors, c'est sûr, si vous avez 50% de déficit budgétaire, bon, ça se voit. Mais dans ce genre de circonstances, ce n'est pas possible. Alors, M. Jamais disait tout à l'heure qu'on trouve que le préfet est zélé. Le préfet est dans son rôle. On peut trouver que le préfet peut faire parfois preuve. Lorsqu'il nous dit, quand on le voit, qu'il est là pour aider la ville de Bagnolet, on peut se dire que, sachant qu'on allait délibérer le problème 10 jours après, peut-être qu'il aura pu faire preuve d'un peu de souplesse et que le problème ne se serait pas posé, que ça n'aura rien changé. Ce qui est le cas, puisqu'on vous présente une DEM identique au centime près. Maintenant... la situation est celle-ci, donc on en tire les conséquences. On est obligé de se réunir en 12 juillet, on avait tous peut-être d'autres choses à faire, c'est la circonstance. Mais je suis désolé, à un moment donné, vous pointez une erreur qui a été commise, c'est votre droit en tant qu'opposition et on ne peut pas vous la contester, mais ne nous prêtez pas des intentions malignes à chaque fois. On peut être en désaccord politique sans être forcément toujours dans on fait des trucs tordus et on essaye de le faire dans votre dos, etc. etc. Parce que on a déjà eu l'occasion de se dire, on ne va pas faire un mandat entier à passer notre temps à avoir ce genre de jeux qui, franchement, ne sont pas au niveau. Quoi. Voilà. Excusez-moi, puisqu'on parle de jeux, est-ce que le quorum, si on excède, on enlève le groupe d'opposition, est atteint? Oui, un tiers. Okay. Il faut vérifier. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Juste une rapidement, la réponse que vous venez de faire, M. Tarabella, elle ouvre sur deux questions, en tout cas sur la qualité pour commencer de la gestion. C'est-à-dire que vous me dites que c'est une erreur qui est infime, qui est contournable, qui est évitable et qui ne l'a pas été. Donc, problème vraiment de gestion. Et la deuxième, c'est toujours en même de qualité, c'est la qualité du rapport que vous avez avec le préfet. J'ai un peu de mal à comprendre comment une décision aussi importante a été prise contre Bagnolet. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le passif? Vous parliez de 0,1%, c'est infime, c'est 130 000 euros sur un budget qui est beaucoup plus important. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Stalens, c'est la question que je me pose moi aujourd'hui. Monsieur Stalens, la ville de Bagnolet est en réseau d'alerte depuis 2012. Et donc tous les ans, au mois de septembre, on est convoqué par le préfet pour faire un point sur la situation financière. Et tous les ans, le préfet, Olivier l'a dit, nous demande quel type de mesures de redressement la ville envisage de prendre. Et les mesures de redressement, c'est depuis un an la mise en place des 1607 heures, c'est bien auparavant le contour des services publics, centres de santé, centres de quartier, etc., etc. Voilà, les mesures de redressement, subventions aux associations, etc. Si vous voulez, les mesures de redressement de la préfecture, elles sont très claires et tous les ans, on va rendre compte de la gestion de la ville, et ça s'était accentué avant la crise sanitaire avec la mise en place de la contractualisation avec l'État, qui nous imposait un cadre supplémentaire. Mais voilà, la discussion avec le préfet, elle a lieu dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Donc, je vous propose de prendre acte de la présentation du rapport de la CRC. Pas besoin de lever la main, monsieur Métro, et d'approuver la décision budgétaire rectificative qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est approuvée. Je vous remercie. La séance est levée.